à court d'argent qu'il recherche et qui a cours. Monsieur, l'agent qu'il recherche est devant la cour pour un putain d'avis de recherche. Ah ouais, t'es à court d'arguments et personne cherche. Attends, y'a ce mec à court d'argent qui court à sa recherche ou à sa perte. Selon monsieur, l'agent qu'il recherche et qui a cours l'emmène devant la cour pour un avis de recherche et qui en retour donne un cours de droit. Mais pour rester droit, cherche quoi? L'amour dans la cour, c'est plutôt les sèches. Une heure par jour, ça fait court et ici la mort se dépêche. Bon, bref, tu penses à quoi autour de la tête? Ouais, à des fesses, ouais, la ficelle du string dans la brèche qui tire les ficelles, qui admettent le maton dit que c'est lui le maître. Et là, c'est doux, j'ai le chef, putain, c'est pas net, donc vaut mieux être ou ne pas net sur cette putain de planète. Ça, c'est pas de mec, des timidés sans compte, check comme Titi sans sa compte, schneck dans la cage. Ce qui compte, c'est l'atterrissage, la chute n'est que l'apprentissage. Quoi, la vie, ça peut être droit, nous, on kiffe les virages, les dérapages, on ne contrôle pas tout ce qu'on envisage. Pourquoi on se dévisage? J'en ai un de sage pour dire qu'on l'arrache. Ouais, tu peux passer en cellule de dégrisage, tu peux arrêter ce trait, tu seras saoulé par le paysage. Alors, c'est peut-être à toi de monter en début de page. Attends, y'a ce mec à court d'argent qu'il recherche et qui a cours. Monsieur, l'agent qu'il recherche est devant la cour pour un putain d'avis de recherche. Ah ouais, t'es à court d'arguments et personne cherche. Attends, y'a ce mec à court d'argent qu'il recherche et qui a cours. Personne sinon il se prend une pêche et devant la cour de son immeuble il se fait de la fraîche. Et qui c'est qu'à court les clients qui sont en déj. Attends, y'a ce mec à court d'argent qui court à sa recherche ou à sa perte. Selon personne, car personne l'arrête, il te fait avaler tout. Il dit que dans son bise y'a pas d'arrêt, y'a une bonne et tout. Et toi tu la bises, le revends une barrette, ce bonhomme est fou. Lise un peu la merco qu'il s'achète en fourgant des sachets, coco en cachette. Juste pour la coco, sa caisse, bah moi je serai à sec. Mais ce mec braque les caisses des magots de bois sur la gâchette. Il t'y tire une taf et taille, si t'es pas taille pour staff malhonnête. Comme le dit ta rec, t'as pas tes styles où on se tape direct. Tu poses un trou pour ta tombe ou tu tombes au trou en net. Tu tires sur ce type, si t'es pas de ce type, va dire toi en jet, va dire toi en quête. D'autres choses, ici c'est le fric en tête. Ton un coup a fait une overdose, faut que tu payes ses lettres. Faut que tu pètes ce mec, mais bon tape pas 3, 5, 7 et 8. Fais des 5 à 7 avec ta meuf, plan internet. Et tourne, tourne, la petite cassette, ça tourne pas rond dans ta tête. Et question rondée à sexe, si on me demande, tu diras c'est bon, t'inquiète, selon la légende. Ça va après un joint, un gros boulet. Attends, y'a ce mec à court d'argent qu'il recherche et qui a cours. Monsieur, l'agent qu'il recherche est devant la cour pour un putain d'avis de recherche. Ah ouais, t'es à court d'arguments et personne cherche. Attends, y'a ce mec à court d'argent qu'il recherche et qui a cours. Personne sinon il se prend une pêche et devant la cour de son immeuble il se fait de la fraîche. Et qui c'est qu'à court les clients qui sont en déchet.